Chapitre 30. Règlement de la Société parisienne des études spirites, fondée le 1er avril 1858 et autorisée par arrêté de Monsieur le préfet de police en date du 13 avril 1858, d'après l'avis de S.E.M., le ministre de l'Intérieur et de la Sûreté générale. Voir le livre des médiums.